Un espace de création affranchi des codes, l'expérience. Aurélie Charron. L'expérience lance son premier podcast original en 3 épisodes, Les enfants de Duras. Léa Capuano a retrouvé ceux qui avaient 6 ans en 1967 et qui avaient répondu aux questions de Marguerite Duras pour l'émission Comme il vous plaira sur France Culture. Un demi-siècle plus tard, ils se retrouvent dans leur école rue Saint-Benoît à Paris et re-répondent aux questions. Est-ce que tu voudrais être grande ? Il n'y a pas des choses comme ça qui t'étonnent ? Les enfants de Duras, le premier podcast original de l'expérience, à télécharger sur franceculture.fr et les plateformes de podcast. Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Du Contrat social de Jean-Jacques Rousseau est publié en 1762. Sa réflexion porte 27 ans avant la Révolution française sur la volonté générale comme condition d'une souveraineté légitime, sur la façon dont le peuple peut s'instituer comme peuple. Et il soulève une question redoutable à laquelle nous n'aurons pas trop de 50 minutes pour y répondre. Qui fait la loi ? Le Premier ministre ? Les députés ? Les sénateurs ? Ou le Président de la République ? La réponse est... Si c'était à refaire, dans les conditions que nous avons connues au moment de la loi travail. La réponse est... J'ai utilisé deux fois le 49-3. Mais on m'a imposé le 49-3. Je n'ai pas trouvé le soutien d'une cinquantaine de députés socialistes qui continuaient à s'opposer. Mais il fallait à ce moment-là l'imposer. Mais j'ai bien compris aussi ce que cela donnait comme sentiment de brutalité, d'autant plus qu'il a fallu l'utiliser dès le début de la discussion parlementaire. La réponse est... Voilà, tout simplement, mais on doit tirer les leçons de l'expérience. La réponse est... Bonjour Franck Cauche. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes professeur agrégé de philosophie en classe préparatoire au lycée Fénelon et à Louis-le-Grand à Paris. À la question « Qui fait la loi ?», Rousseau a une réponse et elle est différente de celle apportée par Manuel Valls, n'est-ce pas ? Oui, oui, elle est très différente. Alors la question « Qui fait la loi ?» est une question un petit peu particulière dans la perspective de Rousseau, parce que ça dépend ce qu'on appelle « loi ». Et ça dépend à quel moment on se situe dans le déroulement de la constitution d'un État politique. Dans l'idéal absolu, personne ne devrait faire la loi, car la loi devrait être l'émanation la plus spontanée, la plus littérale et la plus naturelle de la volonté générale. Il se trouve que dans les faits, concrètement, lorsqu'un État est institué, il faut bien qu'il ait des principes sur lesquels cette institution puisse courir. Maintenant, tout va dépendre de quel type de loi on parle. Qui fait la loi, si ça signifie simplement si la loi est du ressort du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif, la réponse de Rousseau est assez claire. Seul le peuple a le pouvoir législatif, seul lui est en mesure de donner son accord ou son désaccord à une loi, même si par ailleurs, il insiste sur le fait que l'origine de la loi doit provenir plutôt du pouvoir exécutif, mais enfin le lieu où la volonté générale se dépose est sans ambiguïté le peuple. Maintenant, tout dépend de ce qu'on appelle la loi. Au fond, le contrat social est fondé sur, je crois, une ambiguïté profonde, qui est que un État légitime ne naît qu'à partir du moment où la loi est instituée conformément à la volonté générale. Mais la loi ne peut être instituée conformément à la volonté générale que si le peuple a atteint, disons, appelons ça une maturité, c'est-à-dire un usage de la raison qui lui permet de fonder sur la volonté générale ce qui servira de loi. Ce qui signifie que la loi doit être précédée par autre chose. Et pourtant, dit Rousseau, il y a légitimité à partir du moment où la loi émane du peuple, c'est-à-dire de la volonté générale. Mais donc, en clair, est-ce que c'est le peuple qui fait la loi ? Ou est-ce qu'il y a des experts qui font la loi ? Ou est-ce que c'est l'exécutif qui fait appliquer la loi ? Comment ça se passe, alors, Rousseau ? Dans le contrat social, oui, qui est quand même particulier, qui a un statut particulier, ça ne vise pas à être appliqué directement. En fait, pour répondre à votre question, si vous me permettez, je voudrais faire un tout petit détour par une thématique sur laquelle Rousseau revient constamment dans le contrat social, en particulier dans le premier livre, c'est-à-dire dans l'exposé des principes, qui est la métaphore du corps politique. Il s'agit de constituer une unité qui soit conçue comme un corps. Et un corps a des parties. Ces parties sont interdépendantes. Elles vivent de la même vie, qui est la volonté générale. Et elles sont orientées vers une même finalité. La position de Rousseau est très clairement finaliste. Seulement, cette dépendance des membres, où chaque individu est pour ainsi dire fondu dans un collectif dont il n'est plus qu'une partie, il est théoriquement interchangeable avec toute autre partie. Mais Rousseau indique que pour que l'ensemble soit correctement orienté vers ce qui est légitime, c'est-à-dire qui va dans le sens de la volonté générale, il faut que le corps reçoive une impulsion cohérente et rationnelle qu'aucun des membres seul ne peut lui donner. Mmh. Il s'agit donc, en fait, de concevoir un corps qui serait absolument immanent et homogène pour ce qui est de la valeur de ses parties, mais il faudrait qu'une partie puisse indiquer à l'ensemble du corps quel est son bien, quelle est la fin qu'il doit suivre. Et donc, en dépit d'une organisation strictement horizontale du corps politique, il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse indiquer aux membres ce que seuls ils ne peuvent pas voir. Et ça, c'est le législateur ? Et voilà, de là vient ce personnage, alors qu'il faut quand même reconnaître comme étant un personnage fictif ou mythique, c'est-à-dire en fait qui part de cette difficulté, qui est une difficulté profonde, qui est celle de savoir comment il faut commencer. Comment commencer, c'est-à-dire comment le peuple peut-il de lui-même parvenir à fonder un système de législation qui soit cohérent, qui soit à l'écart de toute préférence individuelle, qui sache séparer avec rectitude et précision les intérêts. Un homme idéal, un homme extraordinaire, dit Rousseau. Oui, un homme extraordinaire, tellement extraordinaire qu'il finit même par être impossible, au sens où, il est celui qui va, non pas faire la loi, mais créer le peuple, c'est-à-dire mettre le peuple dans les conditions qui lui permettront ensuite de faire la loi. Il y a donc une sorte de préalable à la loi, ce qui évidemment pose un problème, puisque la loi est l'acte même sur lequel la volonté générale... Ah oui, c'est un cercle vicieux. Il n'y a de volonté générale que s'il y a une loi, et cette loi ne peut se fonder que sur la volonté générale. C'est ça. Et au fond, ce cercle vicieux, c'est exactement le même cercle qu'on trouve dans la problématique de l'éducation, et qui est déployé dans la totalité de l'Émile, c'est-à-dire comment peut-on enseigner l'autonomie, étant donné que si je l'enseigne, ce n'est plus l'autonomie. En fait, Rousseau a un problème avec les débuts. C'est ça, c'est le problème du commencement. Il a un problème avec le commencement. Et l'état de nature, qui est ce que la postérité a retenu le plus nettement de la philosophie rousseauiste, n'est rien d'autre que l'élaboration complexe, contournée, d'une réponse possible à cette question, hein. Comment est-il possible de concevoir un commencement dès lors que le commencement se présuppose lui-même ? Je crois qu'il est face à cette difficulté dans la problématique de la loi et qu'il lui faut du coup recourir à cette fiction d'un homme qui est, disons-le, plus qu'un homme, puisque, je reviens un tout petit peu sur le début du contrat social, hein, les hommes ne seront pleinement ce qu'ils sont en mesure d'être, c'est-à-dire des individus raisonnables, qui ont substitué la morale à l'impulsion, la raison à l'instinct, qu'une fois parvenus dans la communauté politique structurée autour de la légitimité de la volonté générale. On considère donc qu'ils ne le sont pas avant. La question devient comment peuvent-ils donc s'associer vers des fins universelles au moment où il s'associe, il commence par être absolument fermé à toute forme d'universalité. Et donc, il faut introduire une sorte de pré-commencement, de commencement du commencement, pour rendre la construction ou la déduction des principes politiques possible. Parce que la politique présuppose un fond qu'elle doit se donner. Oui, c'est ça. Et en même temps, la politique pour Rousseau est ce qui va venir corriger ce qui, dans l'état de nature, ne permet pas justement de vivre ensemble. Alors, la loi, parce que c'est intéressant que vous preniez l'exemple à la suite de Rousseau du corps au sens biologique du terme, du corps politique, montrant qu'il fallait peut-être penser la politique de cette façon pour comprendre comment Rousseau lui-même la pense. Mais précisément, la loi, nous dit Rousseau, la loi politique, la loi sociale, a pour but de venir contrecarrer la loi naturelle. Donc en fait, la métaphore biologique, elle ne tient pas forcément en politique. Oui. Alors elle la contrecarre, c'est incontestable, mais elle la contrecarre parce que cette loi naturelle vient à un moment dans le développement de l'homme où elle n'est plus suffisante pour assurer à l'homme sa survie même, et a fortiori son développement. Donc bien sûr, il faut la corriger, voire, le terme est utilisé par Rousseau, il faut dénaturer correctement l'homme. Oui, on entendra ça après, c'est un texte assez violent. Très bien. Mais il ne s'agit pas de prendre le contre-pied de l'état de nature. Il s'agit effectivement de transférer ou de translater dans un état nouveau les principes qui sont et qui furent plutôt, d'ailleurs, il faut le conjuguer correctement, ceux de l'état de nature. Mais donc l'état civil ou social n'est pas une négation de l'état de nature, comme c'est postulé dans un certain nombre de philosophies contractualistes contre lesquelles Rousseau a pris clairement position, au premier rang desquelles celle de Hobbes, bien sûr. Mais il s'agit plutôt de trouver dans l'état civil les conditions pour accomplir une nature que l'état de nature, d'une certaine façon, ne parvient plus à accomplir. Donc, il ne faut pas se tromper sur la nature du projet politique. Je ne crois pas que le contrat social soit une utopie. Je ne crois pas non plus que le contrat social soit une recette politique, c'est-à-dire une méthode qu'il faudrait suivre pour établir un État légitime. Il s'agit plutôt d'une construction, certes fictive, mais destinée à occuper à une période ou un moment bien particulier dans le développement politique. Les hommes sont sortis de l'état de nature, c'est un fait, et l'histoire ne va pas en sens inverse. Donc cet état de nature est perdu. Ce qui est curieux, c'est que le contrat social nous décrit le passage de l'état de nature à l'état civil. Mais ce passage, il est impossible à reproduire, puisque l'état de nature est caduque et terminé. Donc il ne s'agit pas de considérer le contrat social comme une recette d'un bon passage de l'état de nature à l'état civil, puisque ce passage est d'ores et déjà fait, et il est mal fait. Très mal fait. Donc comment faut-il lire alors le contrat social ? Il faut le lire plutôt comme une sorte de récit ou de construction intellectuelle qui permette de voir en quoi il est possible de trouver, dans un état civil, quelque chose comme une légitimité. Et ce concept de légitimité, je crois que c'est un concept absolument décisif, puisque Rousseau lui donne comme sens d'être conforme à la nature. Enfin, la légitimité, c'est la conformité à la nature. Et la nature humaine, c'est la liberté. Donc on appellera légitime ce qui est conforme à la liberté. Et comme la liberté est la même chez tous, elle est égale. Bon, on va y revenir parce qu'on vient de dire pourtant que la loi naturelle, enfin la nature, pouvait être dégradée, n'était pas à la hauteur de cette liberté. Donc, oui. Alors, je vous propose d'abord qu'on écoute un texte, parce que Rousseau a peut-être du mal avec le commencement, mais nous, il faut bien y aller. Donc, on va faire comme lui, on va sauter au milieu du contrat social, enfin au milieu. Dans le chapitre 6 du deuxième livre, ça s'appelle « De la loi ». Le chapitre s'appelle « De la loi ». Et écoutez ce qu'il dit, il précise le rôle de ce législateur, qui est en fait celui qui doit aider le peuple à se donner des lois, mais des lois raisonnables. J'appelle donc république tout État régi par des lois, sous quelque forme d'administration que ce puisse être, car alors seulement l'intérêt public gouverne et la chose publique est quelque chose. Les lois ne sont proprement que les conditions de l'association civile. Le peuple soumis aux lois en doit être l'auteur. Il n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les conditions de la société. Mais comment les régleront-ils ? Sera-ce d'un commun accord ? Par une inspiration subite ? Le corps politique a-t-il un organe pour énoncer ses volontés ? Qui lui donnera la prévoyance nécessaire pour en former les actes et les publier d'avance ? Ou comment les prononcera-t-il au moment du besoin ? Comment une multitude aveugle qui souvent ne sait ce qu'elle veut, parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon, exécuterait-elle d'elle-même une entreprise aussi grande, aussi difficile qu'un système de législation ? De lui-même, le peuple veut toujours le bien, mais de lui-même, il ne le voit pas toujours. Les particuliers voient le bien qu'ils rejettent, le public veut le bien qu'ils ne voient pas. Tous ont également besoin de guides. Il faut obliger les uns à conformer leur volonté à leur raison. Il faut apprendre à l'autre à connaître ce qu'il veut. Alors, des lumières publiques résultent l'union de l'entendement et de la volonté dans le corps social, de là l'exact concours des parties et enfin la plus grande force du tout. Voilà d'où naît la nécessité d'un législateur. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et Denis Podalydès qui lit pour vous des chapitres du contrat social de Rousseau qui nous accompagne cette semaine aujourd'hui en compagnie du professeur de philosophie Franck Cauche. Vous enseignez le contrat social à vos élèves en classe prépa, j'imagine, Franck Cauche. Ça arrive. Et comment c'est reçu ? C'est d'abord reçu comme une rêverie d'un visionnaire, pour parler ça comme ça. Mais assez rapidement, si on laisse de côté la question qui brûle l'élève de tous, à savoir est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est faisable, mais une fois évacué, disons, la manière dont cette question peut empêcher l'accès au texte. C'est un texte qui apparaît comme très subtil, qui est vécu, je crois, comme un lieu de contradiction et de difficultés qui sont profondes et dans lesquelles nous sommes encore très, très largement immergés. Donc, c'est vécu, l'enseignement du contrat social, avec une certaine bienveillance, je dirais. Ah oui? Oui. Mais c'est difficile de comprendre comment un texte aussi contradictoire et peu applicable peut quand même être utile. Oui, à condition de voir que les problèmes avec lesquels il se débat sont pas des problèmes arbitraires dus à, que sais-je, le prisme particulier de sa lecture, mais qui sont des problèmes profonds qui sont liés à la chose politique elle-même et à cet éternel problème de la légitimité, c'est-à-dire la fondation de l'État. Sur quoi un État peut-il se fonder, puisque son fondement sera nécessairement quelque chose qui apparaîtra comme arbitraire ou non fondé? Et alors, comment récupérer une légitimité si le fondement de l'État, lui, est en dehors de cette légitimité? Je crois qu'on ne peut qu'être sensible, du coup, à la construction du contrat social. C'est-à-dire, voilà, la présupposition d'un État antérieur dont il s'agit de relever, en quelque sorte, la pertinence ensuite dans ses effets. Voilà. Et en ce qui concerne le rôle du législateur dans cet État et dans la question de la légitimité que vous abordez, le texte que l'on vient d'entendre formule à sa manière, donc à la manière de Rousseau, le problème, mais n'apporte pas la solution. En fait, quand on lit le contrat social, est-ce qu'à un moment où il y a une solution ou c'est uniquement la formulation des problèmes? Je crois que dans l'esprit de Rousseau, il y avait une solution. Mais ce qui n'a pas empêché de dire à la fin de sa vie que c'était un texte qu'il fallait réécrire entièrement. Donc il faut croire qu'il n'était pas intégralement satisfait de la solution qu'il a donnée, pour autant qu'il en donne une. Je crois effectivement pas que c'est une recette, mais j'insiste là-dessus, ce n'est pas une utopie. Parce que l'utopie a ceci de particulier qu'elle est toujours centrée sur les moyens. La fin lui est donnée d'avance et elle donne dans un luxe de détails les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour aboutir à cela. Le sommet de cette frénésie des moyens est évidemment à chercher chez Fourier, enfin dans l'organisation des phalanstères, etc. Il me semble que Rousseau est préoccupé de la fin, plus que des moyens, et des exigences de cette fin, et des difficultés de cette fin. Et cette finalité, je crois également, il est un penseur qui a la finalité de l'État, et la finalité de l'État, c'est la finalité de la vie humaine, hein, c'est pas simplement un luxe périphérique, il la place dans une chose qui n'est pas ordinairement retenue comme finalité. Je crois que la finalité de l'État, c'est l'éducation. C'est-à-dire le passage de l'homme à ce qu'il doit être ou ce qu'il peut être. C'est pas le bonheur, c'est pas la richesse, c'est pas la... Ou si c'est la liberté, c'est la liberté seulement en tant qu'elle est ce par quoi l'homme est lui-même et devient lui-même et doit devenir lui-même. Il faut donc éduquer à être libre. Éduquer à être libre, ce qui est une reformulation de ce cercle vicieux dans lequel il a toujours été pris. Et dans lequel la figure du législateur nous place directement, puisque le législateur, d'une certaine façon, il est l'universel qui va précéder ceux qui vont rendre possible l'universel, c'est-à-dire le peuple doit s'assembler afin de statuer sur la volonté générale, mais pour qu'il soit à même de le faire, Rousseau estime qu'il faut qu'il soit éduqué à faire prévaloir en eux la raison sur les intérêts immédiats. Il s'agit donc de trouver quelqu'un qui soit capable de les éduquer. Or, ce quelqu'un, il faut qu'il soit lui-même, qu'il n'ait plus besoin de cette éducation, c'est-à-dire qu'il soit déjà de lui-même dans l'universel. Il est donc le seul qui n'ait pas besoin, pour atteindre l'universel, qu'on l'y introduise. D'où cette figure qui, au fond, n'est pas très éloignée d'une figure qu'on connaît dans la tradition philosophique sous celle du philosophe. C'est celui qui, ne serait-ce que dans la vulgate platonicienne, le philosophe, c'est celui qui va chercher les prisonniers dans la caverne. Mais enfin, comment est-il sorti, lui? Lui, on sait quand même, chez Platon, oui, le philosophe froid étudie pendant 50 ans, il est très âgé, il a macéré dans la philosophie pendant des décennies, il est sorti et il redescend dans la caverne. Oui. Rousseau, on ne sait pas du tout d'où vient le législateur. Non, et d'ailleurs, c'est un homme extraordinaire dans l'État, c'est un homme impossible. Alors, il serait tentant de considérer, eu égard à l'imbrication des écrits de Rousseau, des écrits politiques de Rousseau avec tout le pan autobiographique de son œuvre et de sa vie, il serait tentant de voir dans la figure de Rousseau, qui, disons, émerge en filigrane déjà de celle de l'éducateur de l'Émile, qu'on voit à l'œuvre comme législateur amateur, j'oserais dire, pour la constitution du gouvernement de Pologne, pour la Corse également, il serait tentant de voir en Rousseau, dont lui-même a dit que s'il ne s'était pas vu lui-même, il aurait vraiment cru que l'homme naturel avait disparu. Donc il serait tentant de voir en lui une sorte de figure implicite du législateur. Et après tout, n'est-ce pas lui qui écrit le contrat social ? Oui. Alors, il est permis de le penser, mais il me semble que Rousseau était plus modeste que cela. Ah oui ? Oui. Mais il était modeste par comment dire, par ambition. C'est-à-dire, il y a un très beau texte dans, c'est la sixième promenade des rêveries du promeneur solitaire, dans lequel Rousseau se demande ce qu'il aurait fait s'il avait trouvé l'anneau de Gigès, ce fameux anneau qui est mentionné dans la République de Platon, qui rend son possesseur invisible et qui est utilisé par les tenants d'un gouvernement fort comme argument pour montrer que si chacun avait la possibilité d'agir illégalement, il le ferait. Et donc, la seule chose qui préserve la justice, c'est la sanction et la force. Ce qui n'est évidemment pas la thèse de Platon. Et Rousseau dit, voilà, si j'avais trouvé cet anneau, alors évidemment, lui, il n'aurait pas, que sais-je, pillé les trésors nationaux ou quoi que ce soit, mais il se serait ingénié à bâtir une législation merveilleuse, etc. Grâce au pouvoir que lui donnerait cet anneau. Et puis, il réfléchit, et puis, à la page suivante, il se dit, mais enfin, que sais-je si j'aurais vraiment pu résister à la tentation ? Et il termine après avoir médité sur sa propre faiblesse en disant qu'il ferait mieux de laisser l'anneau là où il l'a trouvé parce qu'il n'a peut-être pas la carrure. En tout cas, il n'est pas tout à fait le fait d'un homme de parvenir à cette sublimité que suppose la position du législateur qui, encore une fois, n'institue pas la loi, institue le peuple qui va faire la loi. Institue le peuple et a conscience que pour que le peuple soit peuple et soit à la hauteur du peuple qu'il va devenir, doit proposer une forme d'éducation. Vous avez prononcé le terme. Oui. La question est de savoir comment cette éducation va avoir lieu. Je vous propose d'entendre un extrait, une proposition d'éducation à la vie politique qui, sans doute, est à l'opposé de ce que proposerait Rousseau. Mais écoutons-la et vous nous direz ensuite ce qu'il en est. Il s'agit de Najat Vallaud-Belkacem en 2015. L'idée, c'est que sur l'ensemble d'une scolarité, vous ayez de façon progressive une citoyenneté qui s'acquiert pour les élèves, un esprit critique qui s'aiguise. On va le faire avec du débat au sein de la classe, avec des mises en situation qui amènent les élèves à réfléchir, à s'interroger, avec un certain nombre, par exemple, de dilemmes moraux que l'on leur pose pour les inciter à entrer dans une posture de contradiction avec du jeu de rôle. Du jeu de rôle, et pourquoi pas, en fait, Franco. Est-ce que Rousseau est précis sur l'éducation du citoyen à la vie politique et donc à sa propre liberté dans le contrat social ? Est-ce qu'il nous donne des clés ? Non, il n'en donne pas. Il donne des indications sur les principes que le législateur peut se résoudre à utiliser, au premier rang desquels une certaine... Il octroie la possibilité au législateur de n'être pas toujours tenu par la vérité, par exemple. De pouvoir éventuellement présenter les choses comme il importe qu'elles soient vues, davantage que comme elles sont. Et d'une certaine manière, de modeler le peuple à former davantage qu'à le renseigner exactement sur ce qui est autrement dit. Il est tout à fait possible de faire naître la rationalité, l'esprit critique, à partir d'un discours construit, parfois, sur un certain nombre de raccourcis, d'imprécisions, pour ne pas dire de mensonges fort vertueux. On est bien encore, on est là dans une logique de l'éducation, mais, et non pas dans une logique de l'enseignement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de former les individus à telle ou telle capacité particulière, il s'agit de former les individus à être des individus à l'intérieur d'une communauté politique, c'est-à-dire à être des membres d'un corps. Et donc il s'agit en fait de les élever à en fait, à l'intérêt général, qui est le leur. Hein. Et donc il s'agit davantage de les amener à saisir par l'usage de la raison qu'il faut lui diriger, éduquer, rendre... autonome à ce qui est leur bien propre. Il s'agit donc pas de leur apporter quelque chose, mais de leur faire voir quelque chose qu'ils ont déjà. On est donc, quand Rousseau parle d'éducation, il ne parle que très rarement d'instruction vis-à-vis de laquelle il a des mots en général d'une sévérité qu'on est en droit de trouver injuste, mais enfin c'est comme ça. Surtout quand on est professeur. Voilà, absolument. Mais enfin, il y a des fraternités plus secrètes. mais il s'agit de l'éducation au sens de amener l'individu à produire par lui-même ce qui est sa volonté générale, c'est-à-dire à produire par lui-même ce pour quoi il est fait. En même temps, et voilà toute l'ambiguïté du contrat social, il s'agit bien d'un moment qui est à la fois non historique, puisqu'on est avant que le peuple soit vraiment un peuple, avant que les premières élaborations législatives aient lieu. Il s'agit simplement de constituer l'unité du peuple, primordiale, primitive, et qui reviendra sans cesse. Mais en même temps, on est déjà dans l'histoire. Il y a déjà un peuple constitué. Et le législateur doit déjà conduire ce peuple à l'unité. Donc, il s'agit bien d'une éducation au sens où il s'agit d'élever les hommes à ce qu'ils peuvent être, voire à ce qu'ils doivent être. Bah, même il le dit, il faut, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, il faut obliger les uns à conformer leur volonté à leur raison, il faut apprendre à l'autre à connaître ce qu'il veut. Le vocabulaire est celui de l'injonction presque morale, il faut, c'est pas on lui conseille. Absolument, c'est une injonction morale, mais c'est une injonction morale. C'est-à-dire qu'il faut, mais en réalité il s'agit de rejouer, comment dire, une figure qui s'est déployée dans le premier livre et qui va se redéployer à propos du droit de punir, au chapitre 5 du livre 2, c'est-à-dire, il faut forcer l'homme à être libre. Oui, alors, ça pose problème. Ça, ce sera le sujet de l'émission de demain, mais on va en dire deux mots. Mais pour en dire deux mots, je vous propose qu'on écoute un autre extrait, le chapitre 7 du livre 2, qui s'appelle « Du législateur », parce que là, jusqu'à présent, on a ménagé Rousseau, quand même, dans l'exposition de son contrat social. Dans ce texte, il laisse entendre que le législateur doit... Enfin, c'est pas qu'il laisse entendre, il dit qu'il doit changer la nature humaine, transformer chaque individu, altérer la Constitution... Et tout laisse croire qu'en fait, le législateur use de violence, alors morale, physiologique, j'en sais rien, à l'égard de celui qu'il vise à éduquer. Écoutez le texte. Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi dire, la nature humaine, de transformer chaque individu qui par lui-même est un tout parfait et solitaire en partie d'un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être, d'altérer la constitution de l'homme pour la renforcer, de substituer une existence partielle et morale à l'existence physique et indépendante que nous avons tous reçue de la nature. Il faut, en un mot, qu'il ôte à l'homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères et dont il ne puisse faire usage sans le secours d'autrui. Plus ses forces naturelles sont mortes et anéanties, plus les acquises sont grandes et durables, plus aussi l'institution est solide et parfaite. En sorte que si chaque citoyen n'est rien, ne peut rien, que par tous les autres, et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la législation est au plus haut point la perfection qu'elle puisse atteindre. Quel est le rôle du législateur en République ? Rousseau répond donc au livre 2 du contrat social, chapitre 7, chapitre éponyme du législateur. Il dit ceci, il faut en un mot qu'il, le législateur, ôte à l'homme ses propres forces pour lui en donner qu'il y soit étrangère et dont il ne puisse faire usage sans le secours d'autrui. Il faut mesurer quand même la force de cette affirmation, Franco. Ça veut dire que c'est presque une transfusion sanguine, on le vide d'une certaine nature pour lui en donner une autre. Oui, absolument. Je ne sais pas si je veux vivre dans un pays où quelqu'un m'impose ça. Alors, dans la logique du contrat social, on ne le vide pas tant de sa nature, puisque sa nature s'est avérée impropre. En tout cas, il l'a déjà perdue en grande partie par lui-même. C'est même la raison pour laquelle... Il est anémié. Voilà. Mais, en fait, si vous me permettez un tout petit détour... Par le discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes, il faut se rappeler ce qu'on appelle nature aussi. Il y a deux choses dans la nature, dit Rousseau, dans la nature de l'homme. Ce qu'on appelle la liberté, hein, nul être matériel n'est actif par lui-même et moi je le suis, dit Rousseau. Ça c'est dans l'Émile. Et la deuxième chose, c'est cette faculté très curieuse que Rousseau a inventée, qui s'appelle la perfectibilité. Bon. Qui réside, dit Rousseau d'ailleurs, dans le second discours, autant dans l'individu que dans l'espèce. Bon. Cette perfectibilité, il faut bien comprendre ce que c'est. Elle est au début, c'est-à-dire tant que l'homme reste dans sa condition naturelle, condition hypothétique, mais qui sert à Rousseau de base conceptuelle pour élaborer ensuite sa théorie à la fois de l'homme et de l'État, cette perfectibilité, elle est pour ainsi dire inerte, inactive, mais avec les circonstances, dès qu'elle se développe, elle donne à l'homme des facultés nouvelles, elle le modifie, en bien comme en mal. C'est donc la faculté de se perfectionner, mais pas au sens où ce serait la faculté d'atteindre une perfection. C'est la faculté, en fait, historique. C'est-à-dire, c'est la faculté d'avoir des facultés. C'est la faculté naturelle de sortir de sa nature. Il y a dans la nature humaine quelque chose qui, une fois activé, éloigne l'homme de sa nature vers un terme qui n'est absolument pas fixé d'avance, en bien comme en mal. Autrement dit, la source de la déchéance, c'est-à-dire de la perte de la liberté qui constitue la disparition de ce que l'homme possédait en nature, est la même source que celle qui va le régénérer. Puisque le contrat social puise dans les développements et les modifications que la nature de l'homme a subies grâce à la perfectibilité. Dès lors, c'est ce qui fait que si on veut définir l'homme, il n'y a pas d'autre façon de le définir que comme l'animal qui peut être éduqué. Dans quelle direction? C'est au législateur précisément. Mais ce que ça signifie, c'est que dénaturer l'homme, en fait, ne veut rien dire. Parce que la nature de l'homme, c'est, une fois la perfectibilité enclenchée, de ne plus en avoir. Alors, pas dénaturer, mais changer, pour ainsi dire, la nature humaine, écrit Rousseau. Voilà. En fait, il s'agit simplement d'extraire, de retrouver dans la vie collective, c'est-à-dire comme membre d'un corps, les principes qui furent ceux de la nature dans cet hypothétique état primitif où l'homme vivait seul et dans cet état d'autonomie parfaite, mais d'autonomie stupide, hein, et au sens strict, c'est-à-dire non éclairé. Il s'agit donc de retrouver un état qui soit guidé par la raison, mais qui soit capable de déployer la même chose que ce qui existait dans l'état de nature, c'est-à-dire la même liberté. Forcément, ça ne sera pas la même par son contenu, mais il s'agit de trouver, si vous voulez, une liberté politique qui soit tout aussi naturelle que l'était la liberté dite naturelle à l'état primitif, mais elle ne peut pas être la même, puisqu'elle est collective. Mais ça fait beaucoup de suppositions. Ça fait beaucoup de suppositions. La liberté naturelle dont on ne connaît pas le statut, la liberté politique dont on ne connaît pas le statut, finalement le texte se situe entre deux... Eh bien deux... oui, mais je crois que c'est d'ailleurs l'ambiguïté profonde du contrat social, c'est que nul ne peut donner à la liberté une finalité par avance. Nul ne peut la faire rentrer dans un cadre. C'est pourquoi le législateur n'a pas à enrégimenter ou encaserner les volontés. Il a à les amener à pouvoir vouloir de manière autonome, toute seule. Il a donc proprement à les éduquer. Ce qui, évidemment, repose éternellement le problème de sa propre éducation. Mais en fait, ce qu'il fait, chose qui paraît insensée et qui... C'est peut-être ça, à la rigueur, s'il y a de l'utopie, elle est là. Il s'agit de produire la liberté. Mais de produire... Quelle liberté s'agit-il de produire? Parce que le texte qu'on vient d'entendre le dit bien, il s'agit de renoncer, enfin en tout cas on peut le lire ainsi, à une forme de liberté peut-être individuelle au profit d'une liberté qui soit politique, c'est-à-dire collective. Oui, plus ces forces naturelles sont mortes et anéanties, plus les acquises sont grandes et durables, en sorte que si chaque citoyen n'est rien, ne peut rien, que par tous les autres... et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu'elle puisse atteindre. Est-ce que l'individu, ce qu'on appelle nous aujourd'hui l'individu, est dissous dans le contrat social, dans l'acte même de devenir peuple? Alors, si vous me permettez, je voudrais juste, en complément de ce que vous venez de lire, lire un petit extrait qui se trouve dans le livre 1, lorsque Rousseau décrit le passage à l'état civil. Parce que c'est exactement ce dont nous sommes en train de parler, et c'est dommage de s'en priver. Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct, et donnant à ses actions la moralité qui lui manquait auparavant. C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme, qui jusque-là n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes, et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Il est forcé, il est conduit. On peut même ajouter, il est contraint désormais. Mmh. Mais ce à quoi il est contraint, c'est au fond ce qui constitue la direction de sa nature. Je continue. Quoi qu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de sa nature, il en regagne de si grands. Ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha, pour jamais, et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. Il faudrait relire ça à ceux qui voient encore dans Rousseau un apologue de la vie naturelle ou, que sais-je, de la peau de bête dans les grottes, comme Voltaire s'ingéniait, je pense avec mauvaise foi, à le rappeler. Autrement dit, la dénaturation ici n'est pas une dénaturation stricte, c'est une, enfin, je suis désolé du paradoxe, mais c'est une dénaturation conforme à cette nature particulière qu'est celle de l'homme, et qui fait que, et je voudrais terminer là-dessus parce que c'est ça, le cœur. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qu'il tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. En quoi est-ce un gain ? Il nous le dit. Il faut bien distinguer la liberté naturelle qui n'a pour borne que les forces de l'individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale. Si je lis ça, je lis que la liberté naturelle a pour borne les forces de l'individu, autrement dit, un donné extérieur qui s'impose, contre lequel je ne peux rien. Bon. Cette liberté n'en est donc pas vraiment une. Elle trouve devant elle des conditions qui l'empêchent de dépasser telle ou telle mesure. En revanche, la liberté civile, dont on pourrait penser premièrement qu'elle est une réduction de la liberté naturelle, hein, une soustraction d'un certain nombre de choses dues à la coprésence d'autres hommes. En réalité, dit-il, elle est limitée par la volonté générale. Elle n'est pas bornée, elle est limitée. Et pourquoi ça change tout ? Parce que la volonté générale, c'est la mienne aussi. Et donc, elle n'est pas limitée par un facteur extérieur qui la contraint et la rend hétéronome. Elle se limite elle-même et elle s'accomplit. Alors oui, oui, c'est vrai. Il faut des fois forcer les hommes à être ce qu'ils doivent être. C'est ça. Ou à être ce qu'ils peuvent être. Oui, mais ça, ça tient au fait que le contrat social n'est jamais primitif. Il naît dans un contexte de perte et de défaite. Si les hommes s'assemblent, c'est parce que la vie naturelle n'est plus possible. De la même manière, le projet rousseauiste est bien de refonder un contrat social. Le point de départ du contrat social, c'est la défaite et la déroute. Oui, mais c'est ça aussi, ça peut paraître contradictoire avec le début de l'œuvre de Rousseau, lorsqu'il constate que finalement des progrès techniques et moraux n'est né qu'une dépravation de l'homme. Alors la politique viendrait, elle, serait le résultat de la raison humaine, mais ne conduirait pas vers une dépravation, au contraire vers un progrès. Ah non, il y a une politique qui n'est que dépravation. Il y a une très très mauvaise politique. C'est toute politique. Alors d'abord, c'est toute politique qui place la volonté de l'individu hors de lui. De toute façon, ça commence par tout ce qui relève de la représentation oui, politique. Oui, c'est ça. Alors là, de toute manière, toutes les démocraties sur la planète actuellement sont mauvaises. L'axiome, butoir, c'est la volonté ne se délègue pas. Donc on pas de représentation. Impossible. Ou alors, il faut s'entendre à l'unanimité sur la possibilité de représenter quelque chose, à condition que cette représentation ne représente pas la volonté, mais une décision qu'il s'agit simplement de porter ou de rendre effective. Mais il est impossible que quelqu'un décide ou veuille à la place d'un autre. La volonté ne se délègue pas. Elle est à la fois principe universel et en même temps, elle est principe absolument singularisé dans chacun. Donc ça, à la base, ça constitue vraiment une borne de l'organisation politique. Alors, toutes les politiques sont dépravées parce que elles sont, pour ainsi dire, toutes fondées ou sur la représentation ou sur l'arbitraire individuel. Et surtout, elles impliquent du citoyen une position qui le livre en réalité à la merci des autres sous une forme dont Rousseau explique qu'elle est le produit d'une transformation de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est l'instinct que tout homme porte avec lui-même. Alors il appelle ça des fois un instinct, des fois une passion, porte avec lui-même à l'état naturel cet instinct de l'amour de soi, qui est fondamental, qui est en soi-même vertueux, a été dénaturé en amour propre, consécutivement au développement de la société, et fait que chacun n'existe plus que dans ce qu'il imagine être le regard des autres sur lui. Il existe, pour ainsi dire, dans une sorte d'excentricité, un hors de lui-même, dans une dépendance vis-à-vis des autres. Donc toute politique a été ainsi dépravée. L'hypothèse du contrat social consiste donc non pas à décrire un passage de l'état de nature à l'état civil, mais un renouveau de l'état civil à partir des principes qui sont ceux de l'état de nature. D'où, forcément, une dimension de contrainte ou de réajustement qui est plus forte que s'il s'agissait d'un exposé littéral, d'une utopie, etc. Il s'agit vraiment, non pas de construire l'homme, mais de le reconstruire. Y compris, alors vous avez beaucoup insisté sur la notion de liberté, mais y compris dans le mode de relation que chacun entretient avec chacun, qui est celui, nous dit Rousseau, de l'égalité. On va entendre un dernier texte ensemble, Franck Cauche, qui met en place quelque chose qui peut paraître, là encore, surprenant, voire contradictoire, et qui consiste à dire que dans les différents systèmes de législation, eh bien, les deux objets principaux sont d'un côté la liberté, de l'autre l'égalité. Comment les deux peuvent être possibles ensemble? Voici la réponse de Rousseau. Si l'on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation, on trouvera qu'il se réduit à ces deux objets principaux, la liberté et l'égalité. La liberté, parce que toute dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de l'État. L'égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle. À l'égard de l'égalité, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes, mais que, quant à la puissance, elle soit au-dessous de toute violence et ne s'exerce jamais qu'en vertu du rang et des lois. Et quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Ce qui suppose du côté des grands modération de biens et de crédits, et du côté des petits modération d'avarice et de convoitise. Cette égalité, disent-ils, est une chimère de spéculation qui ne peut exister dans la pratique. Mais si l'abus est inévitable, s'ensuit-il qu'il ne faille pas au moins le régler? C'est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. Franck Cauche, pour bien comprendre ce que dit Rousseau ici de l'égalité comme étant aussi importante que la liberté dans le projet politique qu'il propose, éclairez-nous, est-ce que pour Rousseau, l'homme est naturellement, enfin les hommes sont naturellement égaux? Bien sûr, ils le sont absolument. Parce que c'est pas évident? Non. Il y en a qui c'est... naissent plus forts, plus petits, plus alors, rapides. Là-dessus, empiriquement, on pourrait dire que c'est incontestable. On pourrait cependant dire aussi que l'état de nature, c'est-à-dire l'état auquel il est possible de comparer les hommes, est un état dans lequel ces différences-là n'inaugurent aucun droit. Voilà, il peut y avoir des différences factuelles, mais ces différences ne font d'aucun droit à rien. Ce qui, d'ailleurs, là-dessus, était déjà un argument qu'on trouve chez Hobbes. Donc, il y a une égalité qui est due d'abord à l'extrême étroitesse de la nature humaine, c'est-à-dire du critère qui permet de juger de cette égalité. Si la nature humaine s'étend tout et pour tout la liberté, comme ce n'est que ça, les hommes n'ont que ça, alors ils sont égaux. Donc c'est une égalité de départ, de principe. La question est de savoir qu'en faire de cette égalité, dès lors que, à l'intérieur du contrat social, comme Rousseau n'a jamais dit qu'il fallait abolir la propriété privée, on peut supposer, en plus de ça, du strict point de vue du domaine réel, du développement physique et économique du rapport au réel, on peut imaginer que des inégalités se créent par-dessus celles qui étaient liées à la constitution physique ou autre. Là-dessus, Rousseau, je trouve, est toujours dans une position un petit peu hésitante, hein, qui veut concilier le droit par le fait tout en préservant le principe même de la propriété privée, qu'il ne remet jamais directement en cause. Mais il dit tout de même des choses, alors dans l'extrait qu'on a lu, il semble soutenir une sorte de régulation de la propriété privée, hein, dont on n'est pas très bien sûr de savoir précisément par quels moyens elle pourrait s'obtenir, sinon par la force, peut-être. Je voudrais, si vous me permettez encore une dernière, toute petite lecture, c'est la dernière note de la fin du livre premier. Le livre premier s'achève de manière triomphale, puisque il dit que les hommes pouvant être inégaux en force ou en génie deviennent tous égaux par convention et de droit, etc. Et puis il ajoute une petite note. Et voilà ce qu'elle dit, cette note. Sous les mauvais gouvernements, cette égalité n'est qu'apparente et illusoire. Elle ne sert qu'à maintenir le pauvre dans sa misère et le riche dans son usurpation. Dans le fait, les lois sont toujours utiles à ceux qui possèdent et nuisibles à ceux qui n'ont rien. D'où il suit que l'état social n'est avantageux aux hommes qu'autant qu'ils ont tous quelque chose et qu'aucun d'eux n'a rien de trop. Mmh. Alors, bon, on peut lire ce petit ajout de mille manières comme une sorte de régulation des écarts de richesse, comme aussi une tentative de suggérer qu'au fond, l'égalité politique sans l'égalité matérielle ou économique restera une chimère instable, comme une sorte d'anticipation de je ne sais quelle, une sorte de pré-marxisme sauvage, je ne sais pas. Mais le fait est que Rousseau est sensible à cette difficulté qu'à partir du moment où l'égalité devient attenante au domaine réel, c'est-à-dire des choses, des échanges des choses, c'est-à-dire de la richesse, elle est quelque chose qu'on ne peut qu'encadrer, mais jamais maintenir. Et donc, il est, comme en d'autres points, tenu par une position contradictoire où il veut à la fois que la nature puisse accomplir ce qui est en elle, du moins la bonne part de ce qui est en elle, et de l'autre côté, intervenir pour qu'elle accomplisse cette bonne part et qu'elle ne dévie pas en mauvaise encadrer part. Sans forcément intervenir. Voilà. Ce qui est exactement ce que fait le législateur. Oui, ça nous ramène exactement au point de départ. Enfin, il intervient quand même, le législateur. Il intervient, mais il faut toujours se rappeler d'une chose. Sa besogne terminée, le système de loi achevé, le législateur se retire. Il est provisoire, c'est comme un été. Dans le fond, c'est le philosophe qui vient chercher le prisonnier de la caverne de Platon. Une fois que le peuple est institué, c'est-à-dire que son premier système de loi correspondrait davantage à une constitution qu'à une loi, est établi, dès lors que le peuple est mis en situation de pouvoir lui-même agir raisonnablement, le législateur a fait son office et il s'en va. Enfin, du moins, il n'occupe plus la fonction de législation qui était la sienne. Un peuple bien éduqué à lui-même, en fait, n'a plus besoin de personne. C'est ce que Rousseau dit de la Corse. Absolument. Le texte qu'on a lu hier, justement. Absolument. Et pourrait-on dire, un peuple pleinement élevé à sa destinée politique, si j'ose dire, même s'il n'y a pas de destin là-dedans, mais à sa possibilité politique, pourrait presque se passer de loi. Je sais qu'il est toujours désagréable quand on parle de Rousseau de poser la question de l'applicabilité de ce texte, parce que vous l'avez bien dit dès le début, c'est pas vraiment le propos. Mais là, l'écart est si grand entre ce qu'il décrit et ce que nous voyons, ce que nous expérimentons et ce que nous faisons en politique depuis le début de l'humanité, que je suis obligée de vous poser la question, Franck. Alors, en fait, oui. Et si on regarde, c'est-à-dire qu'on sait pas le lire. Si on regarde le contenu de l'œuvre et qu'on le rapporte au contenu des institutions et de la vie politique moderne, disons depuis deux ou trois siècles. Effectivement, l'écart est considérable. Maintenant, si on regarde la problématique à laquelle Rousseau essaie de trouver une solution, et la problématique dans laquelle les États modernes se trouvent pris, parfois se débattent, que parfois ils expédient à peu de frais. C'est-à-dire précisément la problématique de la fondation et de la légitimité, la problématique du rapport entre l'exécutif et le législatif, et globalement, la problématique du fondement de l'État. La démocratie parlementaire place le fondement de l'État dans l'élection, mais il y a fort longtemps que cette élection ne satisfait plus du tout aux critères qui seraient susceptibles de conférer une quelconque légitimité à ces résultats. Enfin, légitimité, si. Le résultat d'un vote n'est pas illégitime. Il peut être pas représentatif, mais pas illégitime. Il est, oui, si vous voulez. Encore que, en bon rousseauisme, il n'y a de légitimité que si chacun donne son suffrage. Mais chacun vote, chacun peut voter. Voilà. Donc, mais dans le fonctionnement, ces systèmes politiques ne correspondent même plus tout à fait à ce qui est. À ceux dont les fondements, disons, politiques ont de commun avec la tradition rousseauiste. Bah, ils ne s'en sont jamais autant approchés. Il n'y a pas eu un âge d'or où, de fait, tout le monde votait, non, absolument. Non, bien sûr que non. Et encore une fois, le vote, c'est pas ça qui compte, c'est les modalités de ce vote, de toute façon. Voilà. Donc le vote n'est pas en soi un certificat de légitimité, loin de là. Et d'ailleurs, Rousseau en est parfaitement conscient. C'est d'ailleurs pour ça qu'est le législateur. Sinon, les hommes, tout bien intentionnés qu'ils sont, pourraient voter pour n'importe quoi. Et donc, il y a dans... Au fond, chez Rousseau, c'est toujours le même problème. Il y a une méfiance vis-à-vis de l'individu. Une méfiance qui n'est pas une méfiance morale, qui est une méfiance ontologique. L'individu, et c'est celui qui, dont le point de vue particulier peut se transformer abusivement en un prisme sur l'universel. Et de l'autre côté, il y a une recherche, quand même, vers l'individu, ne serait-ce que le sien propre, hein, ne serait-ce que les confessions, ne serait-ce que... Et d'une certaine façon, le système rousseauiste, pour autant que ce soit un système, est constamment tiraillé entre ces deux directions. Comment l'individu absolu, l'homme naturel, doit se transformer en citoyen absolu, c'est-à-dire interchangeable comme n'importe quelle autre partie du corps, de la même manière que le solitaire absolu qu'est Rousseau se transforme en législateur pour la Corse et la Pologne. Et voilà. Et peut-être que c'est l'absolu le problème. Peut-être parce qu'il résonne en termes de solitaire peut-être. Absolu, peut-être législateur absolu. Ou pris dans l'autre sens, peut-être y a-t-il en fait entre l'individualité, mais pleine, pas simplement empirique, et la collectivité unie pleinement, dans l'autosuffisance et l'autonomie d'un corps, peut-être qu'en fait il y a un contact. En fait, entre l'individu, et l'Émile est là pour ça. Le texte de Rousseau qui s'appelle l'Émile. Voilà, il s'agit de produire un homme, pas de produire Émile. Et je pense que si tant est que quelque chose l'est à la fois intéressé, nodalement, crucialement, et en même temps l'est plongé dans une constante perplexité, qu'à mon sens il a payé de son propre bonheur, enfin je veux dire, dans sa propre intimité, c'est ce tiraillement entre l'individu et l'universel, dont il sent que l'un est la condition de l'autre, sans qu'on puisse dire s'il faut commencer par l'universel pour avoir un vrai individu, comme le soutient le contrat social, ou s'il faut commencer par l'individu pour avoir l'universel, comme le soutient l'Émile. On retrouve l'impossibilité de commencer. Absolument. Et c'est l'heure de terminer cette émission. Franck Cauche, merci infiniment d'être venu nous parler de Rousseau ce matin. On se quitte avec une chanson, Law of the Land, la loi du pays, du territoire, c'est The Temptations. Some people will always have it made. Some people will live in poverty for the rest of their days. Time marches on. Yesterday is dead and gone. Life is uncertain. Maybe he said, yeah, death is final, yes it is. There'll be days of sunshine and laughter, but don't forget you're gonna have to shed some tears. Oh, it's the law of the land, my brother. Oh, whether you like it or you understand, it's the law. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous revenez sur l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris. Personne n'a pu échapper à ce drame qui a eu lieu lundi 15 avril en fin de journée. Édition spéciale, chaîne d'infos en boucle, hommage. On a pu voir au fur et à mesure que le feu ravageait la cathédrale, la foule s'amassait un peu plus pour assister au désastre. Le terme impuissance est d'ailleurs revenu à de nombreuses reprises dans la bouche des badauds, condamnés à contempler les flammes se propager sans pouvoir rien faire. Mais au fond, que regardions-nous s'effondrer ? Symbole mondial de la culture et de l'histoire française, témoin du sacre de Napoléon Ier, des rebondissements de la Révolution, de la libération de Paris ou des obsèques de François Mitterrand, c'est comme si un pan du monde s'effondrait concrètement sous nos yeux, résonnant étrangement avec les théories de collapsologie dans l'air du temps.

Demain, nous serons en compagnie de Bruno Bernardi, à qui je poserai une question, qui est une question redoutable qu'on a à peine évoquée aujourd'hui avec Franco. Peut-on forcer quelqu'un à être libre ? Réponse de Rousseau, demain à 10h. D'ici là, pour réécouter cette émission sur le législateur dans le contrat social de Rousseau, c'est très simple, vous vous rendez sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des chemins vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Nous serons ravis de répondre à vos commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.